Un rendez-vous pour la Journée internationale des handicapés a eu lieu le 5 décembre au Palais central de la jeunesse à Pugnan. Y ont pris part des cadres intéressés, des handicapés et de leurs familles, des citadins, des représentants diplomatiques et des institutions internationales en Corée et des compatriotes coréens d'outre-mer en séjour dans la patrie. On y a vu une vidéo présentant des réalisations obtenues dans les affaires de protection des handicapés en 2016 et une représentation des membres du cercle artistique des handicapés. Précédemment, les participants ont vu des photos exposées.